Bonjour, Valérie Levé au microphone de CKRL 89.1 et c'est l'heure de Futur Simple, votre rendez-vous hebdomadaire avec la science. Peut-être qu'avec l'arrivée du printemps, certains d'entre vous envisagez des rénovations dans votre demeure. Or, le secteur de la construction est, avec le secteur des transports, un des secteurs les plus émetteurs de GES. C'est aussi un secteur qui génère énormément de déchets et qui ne se recycle pas très bien. On en parle à 18h30 avec Camille Chabas, étudiante au doctorat au CIREG, le centre de recherche spécialisé dans l'analyse de cycle de vie des produits. Mais avant de parler de l'empreinte environnementale de la construction, on va faire un long détour pour faire le point sur la détection des ondes gravitationnelles. Souvenez-vous, la première détection a été réalisée en 2015. Alors, que s'est-il passé depuis? C'est ce que nous allons voir avec Jean-René Roy, astrophysicien retraité, mais toujours impliqué dans la gestion des grands projets. Bonjour Jean-René. Bon début de soirée, Valérie. Alors, Jean-René, les ondes gravitationnelles, comme je le disais, ont été détectées. Bah, une onde, un événement a été détecté pour la première fois en 2015. Mais je crois qu'avant de faire le point sur ce qui s'est passé depuis, c'est bien de rappeler un petit peu ce que sont ces fameuses ondes gravitationnelles. Oui, elles ont une histoire assez longue, en tout cas, qui nous ramène au début du 20e siècle, il y a près de 100 ans, où on sait que Einstein avait proposé sa grande théorie en 1915, sa grande théorie de la relativité générale, d'une structure géométrique de l'espace-temps dans laquelle il pouvait expliquer la gravitation. Cette force qui attire les masses l'une à l'autre avec une force qui est inverse au carré de la distance. Et l'année d'après, en 1916, il a publié un article où il a proposé que des masses en mouvement, par exemple des paires d'étoiles qui tournent l'une autour de l'autre, pouvaient émettre de l'énergie, perdre de l'énergie gravitationnelle et éventuellement se rapprocher. Et tout de suite après, ça a été pour lui un doute. L'année d'après, il a dit « Ah, c'est peut-être un artifice de calcul. Et si jamais il y avait une onde, elle ne porte pas d'énergie avec elle », ce qui était un peu curieux. Et il y a eu quelques articles comme ça au fil des décennies qui ont suivi avec des collaborateurs qui disaient « Oui, il y a peut-être des ondes gravitationnelles. Non, il n'y en a pas, etc. » Et finalement, ce n'est qu'après le décès d'Einstein dans les années 50 que d'autres physiciens ont démontré que oui, des masses en mouvement vont, entre guillemets, générer une onde gravitationnelle, je vais la décrire. Donc, Einstein est décédé, en fait, sans être sûr que ces ondes avaient, même d'un point de vue théorique, une possibilité d'exister. Et c'est de grands physiciens, entre autres comme Richard Feynman, qui ont dit oui. Mais c'était un sujet très, très théorique, dans le sens qu'on ne voyait aucune manière de pouvoir détecter l'existence de ces ondes, parce que d'autant que la gravitation est une force très faible, il faut de grandes masses pour la sentir. Le fait aussi que la production possible d'ondes ne pouvait provenir que d'interactions importantes entre de grandes masses, de plusieurs fois la masse du Soleil, on n'y comptait pas trop. Et ce n'est que dans les années 60 qu'un chercheur de l'Université du Maryland, Joseph Weber, s'est dit « je vais m'essayer ». Et l'idée qu'il avait, c'est que on pourrait détecter des ondes de paires de masses qui orbitent les unes autour des autres et qui, quand elles se rapprochent de plus en plus rapidement et vont émettre de plus en plus d'énergie. Et l'idée, c'était que justement, on voyait dans le cadre de la relativité générale l'espace comme une espèce de membrane. Mais il faut s'imaginer en trois dimensions. Ouais. C'est un peu comme les enfants qui sautent sur la trampoline, ils font des creux et il y a une vibration qui se propage. vibration, d'ailleurs qui devait avoir une amplitude extrêmement faible. Donc la suite a été un petit peu difficile parce que Weber, le physicien dont je parlais, a prétendu avoir détecté des ondes qui proviendraient du centre de la Voie lactée. Mais tout le monde qui a essayé de répéter son expérience n'a rien détecté. D'ailleurs, la quantité d'énergie qu'il détectait était si énorme que toute la galaxie aurait dû s'effondrer dans le premier million d'années de son existence. Et on est toujours là. Ouais, mais je veux comprendre un petit peu plus, Jean-René, parce que là, vous me parlez de phénomène qui produit de l'énergie, donc de détection d'énergie. Puis quand on entend parler donc de cette détection de la première onde gravitationnelle en 2015, on nous dit que finalement l'équipement devait être capable de détecter une petite distance infime. Ah oui, c'est de l'ordre de... Je voudrais faire le lien un petit peu entre cette détection d'énergie dont vous parlez et puis ce pouillème de milliardième de cheveux là que les miroirs ou que le LIGO a dû détecter. Quel est le lien? Donc, en fait, tout parce que justement, ce que vous dites, Valérie, l'espoir de toute détection était finalement une lubie. Mais dans les années 70, deux chercheurs américains observe une paire d'étoiles à neutrons qu'on voit sous forme de pulsars qui émettent des signaux très précis et ils mesurent que l'orbite est telle que les deux étoiles à neutrons sont en train de se rapprocher. Et on mesure année après année, même mois après mois, que cette distance rétrécit et on calcule la valeur de ce rétrécissement. On dit que c'est exactement ce qui était prédit par perte d'énergie gravitationnelle. Donc là, au moins, on a une confirmation de la prédiction théorique que oui, ça existe, cette perte d'énergie gravitationnelle dans cette paire d'étoiles à neutrons qu'on observe finalement depuis encore des dizaines d'années, à peu près 40 ans. Donc, ça a donné un espoir aux gens de pouvoir détecter en construisant des systèmes beaucoup plus sophistiqués. Et on avait calculé exactement ce que serait l'effet du passage d'une onde gravitationnelle d'un système qui est en rapprochement, mais un rapprochement tellement intense que c'est une fusion. Les deux objets se fusionnent soudainement et produisent une espèce de pulse soudain d'onde gravitationnelle. Et c'est là qu'on s'est dit, peut-être qu'on pourra voir des étoiles à neutrons si on regarde dans un grand volume d'univers, on pourra voir des étoiles à neutrons qui se fusionnent. Et cet instant de quelques secondes pourra être suffisant pour émettre un pulse, un sursaut d'onde gravitationnelle qu'on pourra détecter. Et comme vous le dites, il faudra mettre en jeu un système capable de changer, de mesurer cet effet. Quel est l'effet de l'onde gravitationnelle qui passe? C'est que l'espace se raccourcit et se dilate légèrement d'une dimension infime, l'équivalent finalement de la largeur d'un atome correspondant à une échelle de la distance de la Terre à la Lune. Donc, à l'échelle des détecteurs qu'on allait construire, on s'est dit qu'il fallait mesurer quelque chose qui était le diamètre du proton de changement de l'espace. C'est pas des objets qui agrandissent, qui petitent, mais c'est l'espace lui-même qui bouge. C'est quelque chose de très, très difficile à imaginer de façon intuitive. Ouais, donc c'est le tissu de l'espace-temps qui se rétracte et qui s'étend, là, cette onde gravitationnelle, c'est cette expansion-contraction du tissu de l'espace-temps. Donc l'appareil qu'il faut pour détecter cette contraction-expansion, c'est plus comme les télescopes où on mesure de la lumière ou des photons. Là, on a besoin d'être capable de détecter cette contraction-expansion. C'est exactement. Et cette contraction, cette expansion va se faire d'une façon, disons, une contraction dans un sens et dans la perpendiculaire à ce sens va se faire par une dilatation. Ah. Donc, c'est comme un ballon que vous écrasez, OK? Donc, il s'aplatit et s'agrandit. Donc, ce qu'on a fait, on a dit, on va justement mettre en œuvre un système optique qu'on appelle interféromètre qui va mesurer constamment la longueur de l'espace entre les extrémités d'un bras de 4 km km par rapport à un bras perpendiculaire de 4 km, ce qui est la base des deux interféromètres LIGO qu'on a aux États-Unis, que je connais bien, que j'ai visité plusieurs fois, et un autre en Europe qu'on appelle Virgo, qui lui a des bras de 3 km. Donc, au passage de l'onde gravitationnelle, qui dure une fraction de seconde, on va voir un rétrécissement d'un bras et un allongement d'un bras. Et ça va générer, par mesure de signaux lumineux très intenses, une espèce d'espèce de petite musique, entre guillemets, ou une espèce de sifflement, si on le mettait en onde sonore, et d'ailleurs on le fait, cette variation de différentiel de l'espace localement dû au passage d'une onde gravitationnelle. D'accord. Donc ça, c'est on a donc détecté une onde gravitationnelle pour la première fois en septembre 2015, mais par contre, ce n'était pas des étoiles à neutrons, c'était deux Non. trous noirs qui ont fusionné. Bon. Donc, la grande surprise, et c'est le cas depuis ce temps-là, c'est que on s'attendait à détecter justement des rapprochements de fusion d'étoiles à neutrons. Parce qu'elles sont, en principe, beaucoup plus nombreuses que des étoiles plus massives qui vont former des trous noirs et des paires de trous noirs encore plus rares. Donc, la grande surprise, Valérie, c'est que maintenant, vous avez parlé du premier événement, maintenant, on a entre 70 et 80 événements enregistrés. Ouais, c'était pas un événement exceptionnel. On en a mesuré, enregistré Oui. d'autres depuis. Ouais. Oui, exactement. Et en fait, je dis, il y a un peu une incertitude parce que les événements, que les signaux sont faibles, ils sont plutôt des candidats. Et sur les quelques 70, on a seulement 4 événements qui impliquent des étoiles à neutrons et un seul événement qui implique la fusion d'une paire d'étoiles à neutrons. On pourra y revenir. Tous les autres, ce sont des fusions de trous noirs qu'on observe à des distances colossales de l'ordre du milliard d'années-lumière. Ouais. Donc, c'est-à-dire que ces fusions d'étoiles se sont produites il y a des milliards d'années, le signal vient de nous arriver. Donc, c'est une coïncidence extraordinaire qu'on est là, nous, plus tard, avec nos détecteurs gravitationnels à les détecter. Donc, à l'heure actuelle, le taux de détection demeure à près de l'ordre d'un par semaine parce que nos détecteurs sont pas toujours en fonction. Et on aime en avoir deux et surtout trois en même temps pour pouvoir, par trigonométrie, pointer dans le ciel à la direction d'où semble provenir le signal dû au délai avec lequel ils sont enregistrés à la surface de la Terre par ces trois détecteurs qui sont séparés de milliers de kilomètres. Donc, on est à l'heure actuelle à ce taux d'un, mais là, à l'heure actuelle, on est en train de terminer, et j'en ai eu les rapports détaillés la semaine dernière, on est en train d'augmenter la sensibilité telle qu'on pourra en détecter un événement d'onde gravitationnelle, un sursaut d'onde gravitationnelle, ce passage qui fait dilater, contracter l'espace, à peu près un par jour. Donc là, on va augmenter la statistique et Ah mieux oui. comprendre Ah oui. pourquoi. Et on devrait s'attendre à avoir un peu plus de fusion d'étoiles à neutrons parce qu'on est plus sensible. L'étoile à neutrons, c'est moins massif, Ben, c'est ce quelquefois que je la me masse demandais. du Soleil. En fait, c'est ce Et... que je me demandais si on a détecté surtout des ondes gravitationnelles dues à la fusion de trous noirs. Est-ce que c'est parce que ce sont des événements plus forts et qu'il est plus facile de détecter les ondes gravitationnelles de ces objets qui sont plus massifs que ceux des étoiles à neutrons? Ou c'est parce que finalement, il y a plus de trous noirs qu'on ne le pensait dans l'univers? Bah, les deux. Je pense que vu que ils sont beaucoup plus massifs, ils envoient un signal beaucoup plus fort. C'est comme sur la trampoline, si vous mettez une personne qui pèse 100 kilos à côté d'un enfant qui en pèse 20, le creux va être plus prononcé et l'onde, la vibration va être plus forte. Donc, il y a ça. Et l'autre chose, c'est que la surprise, il semble qu'on ait beaucoup plus de trous noirs. Donc, de 10 fois à 100 fois la masse du Soleil, et non seulement unique, mais en paire. Et Ah c'est intriguant qu'on le croyait. Et donc, ça nous amène à nous poser des questions, remettre en jeu nos modèles de formation et d'évolution des étoiles massives. Est-ce que, d'ailleurs, la physique ne prédit pas comme telle que des étoiles massives vont être en si grand nombre pour produire des trous noirs comme on les observe par onde gravitationnelle. Est-ce que justement ces trous noirs ne sont pas le résultat eux-mêmes, chacun, de fusions préalables de plus petits trous noirs, qui finalement en font deux plus gros qui vont accélérer, entre guillemets, en perte d'énergie gravitationnelle et produire un plus grand nombre d'événements, figurant, entre guillemets, un plus grand nombre d'événements tels qu'on les observe. Mais la statistique est encore moins de 100 événements, donc il faut faire attention. Et je pense que les 3, 4, 5 prochaines années vont être très révélatrices sur ces populations intrigantes de paires de trous noirs massifs. Je me demandais aussi, finalement, ces ondes gravitationnelles nous donnent un autre type de lunettes pour regarder l'univers par rapport au télescope, par rapport au radiotélescope. On n'observe plus du tout le même genre d'ondes. Comment est-ce que ça se complète? Comment ces types d'informations se complètent pour notre compréhension de l'univers? Qu'est-ce que ça vient ajouter de plus par rapport aux observations classiques des télescopes? Donc, ce qui est étonnant dans un seul cas, qui est de 2017, la fusion de paires de trous noirs, excusez-moi, une paire d'étoiles à neutrons dans une galaxie située à peu près à 150 millions d'années-lumière, on a observé en même temps un flash de rayon gamma et aussi un flash lumineux. Et on a pu obtenir des spectres. Donc, dans un seul cas, on a réussi à obtenir dans les ondes électromagnétiques des signatures qui nous ont permis d'étudier ces objets et le résultat de ce qu'ils produisent, entre autres la fabrication de beaucoup des éléments lourds dont on dépend, qui existent autour de nous. Donc ça, c'est l'espoir de la prochaine séquence d'observation, où on va être plus sensible, d'observer des ondes gravitationnelles et, quand on les observe, de finalement de déclencher, et on est prêt, avec les télescopes, des observations qui vont suivre presque instantanément, en tout cas dans les minutes qui suivront, pour pointer vers l'objet qui aurait été possiblement identifié et en déduire les propriétés par les ondes électromagnétiques. Ah oui, pour la coupler les informations d'un même événement. Donc, on appelle ça l'astronomie multi-messager, dans le sens que on Ah. a, comme vous le dites, Valérie, différents types d'informations qui nous arrivent de ces objets. Les ondes gravitationnelles étant le nouvel apport, quelque chose qu'on aurait cru totalement théorique, et ce l'était jusqu'en 2015, et je le sais pour avoir été impliqué dans le projet depuis près de 14 ans, il était un bout de temps, après avoir investi 1 milliard de dollars, les gens se demandaient, est-ce qu'on n'avait pas tiré notre argent à l'eau? Mais là, on sait que non. Elles existent, les ondes gravitationnelles, elles nous fournissent maintenant justement le moyen d'explorer l'univers dans une autre fenêtre, entre guillemets, qui n'est Voilà. ni électromagnétique, ni aussi l'observation de particules comme les rayons cosmiques ou comme des météorites qui nous tombent dessus et qui nous permettent de déterminer les propriétés de l'univers d'une autre manière. Bah d'ailleurs, c'est au point où finalement, avec ces confirmations de nouveaux événements qui sont observés régulièrement, c'est au point où c'est un nouveau champ de l'astrophysique qui s'ouvre et où il y a des nouveaux projets de construction alors comment on les appelle, les interféromètres, comment on les appelle, ces appareils, ces équipements pour détecter les ondes gravitationnelles. Ce sont des interféromètres pour observation d'ondes gravitationnelles, en fait, qui fonctionnent avec de la lumière laser dans l'infrarouge. C'est cette façon qu'on mesure cette contraction-dilatation dont j'ai expliqué. Et en effet, donc là, le travail se fait sur l'amélioration de la sensibilité des détecteurs existants. Donc, c'est un sujet d'un grand entretien, comment on fait ça. Donc, l'autre chose, c'est que on n'a pas seulement les deux LIGO, comme je disais, un dans l'État de Washington, l'autre dans l'État de la Louisiane. Il y a aussi un observatoire européen qu'on appelle Virgo, proche de Pise. Et il y a un autre, des Japonais sont en train d'en terminer un autre qui s'appelle Kagra, lui qui est sous terre. Et c'est Donc, intéressant qu'il soit sous terre, ça apporte quelque chose de plus. oui, en fait, c'est d'améliorer la sensibilité en atténuant les différents bruits sismiques, en particulier le vent. Ça peut être étonnant, mais le vent qui souffle va en générer une espèce de vibration qui va être un peu embêtante. D'ailleurs, dans les périodes de grand vent, surtout pour l'interféromètre dans l'État de Washington, près du site de Hanford, au sud-est de l'État de Washington. Les vents sont, parfois, le vent, quand il atteint, surtout en termes de bourrasque, des 50, 60 km à l'heure, en fait, on ne peut plus observer. Parce que ça génère trop de vibrations sismiques. Et il y a toutes sortes d'effets comme ça, vraiment bizarres, et en allant sous terre, le vent est hors de question. Et aussi, on atténue beaucoup plus le bruit de surface qui est dû au trafic. Par exemple, quand vous êtes à l'observatoire d'ondes gravitationnelles, vous notez le signal généré par le bruit des humains qui se réveillent, qui commencent à bouger dans leur maison, C'est qui vrai. commencent à abattre des arbres pas loin des sites, le trafic surtout qui est une source comme telle. Donc, en allant sous terre, on devrait améliorer, diminuer ces sources de bruit. Donc, les prochains projets, parce que les physiciens et astrophysiciens sont très ambitieux, on pense à une nouvelle génération qui, elle, serait sous terre et qui aurait des interféromètres avec des bras encore de longueur indéterminée, espérant qu'ils seraient plus longs. Et entre autres, une autre chose qu'on veut introduire aussi, c'est de les rendre ce qu'on appelle cryogéniques, c'est-à-dire que les structures optiques à l'intérieur de ces cavités, ces longs bras d'interféromètres où on a fait le vide, c'est qu'on refroidirait aussi les composantes optiques. Parce qu'une autre source de bruit, c'est le bruit qui vient de ce qu'on appelle le bruit thermique. Le fait que les miroirs en verre recouverts d'une surface réfléchissante, qui sont à une certaine température, ont une petite agitation qui génère un bruit qui diminue la qualité du signal qu'on mesure lorsqu'il y a le passage d'une onde gravitationnelle. Donc, c'est des choses où on pousse les technologies d'une manière extraordinairement. Il y a un projet aussi, je crois, dans le Benelux, entre la Belgique, les Pays-Bas et Oui. l'Allemagne. C'est un de ces projets dont je parle. Les Européens sont très agressifs et ce serait justement parce que le territoire n'est pas grand là-bas dans le Benelux. On le mettrait sous terre dès le départ. Donc, on a un avantage. Et ce qui est étonnant, c'est que même des pays se sont engagés officiellement maintenant à verser un montant considérable si l'observatoire d'ondes gravitationnelles européen est sur leur sol. C'est vraiment des belles aventures, tout ça, des belles aventures comme quoi les humains peuvent encore faire des belles choses. Et oui, et ça nous encourage par rapport à certaines choses qui se passent. Voilà, exactement. Merci beaucoup, Jean-René, pour ces nouvelles de l'univers lointain et qu'on arrive finalement à détecter avec des appareils gigantesques sur Terre. Merci beaucoup, Jean-René. Toujours un grand plaisir. Je rappelle que Jean-René est astrophysicien retraité et, comme vous le voyez, toujours impliqué dans le développement des grands projets en astrophysique. Alors voilà, nous allons faire une petite pause sur CKRL 89.1 et au retour, on parle de l'empreinte environnementale de la construction. Elle était déjà là bien avant que les camions ne viennent. Elle tournait comme une enfant, une poupée derrière la scène. C'était facile de lui parler, on a échangé quelques mots. Je lui ai donné mon passe pour qu'elle puisse entrer voir le show. Elle s'est assise à côté de moi sur des caisses de bière. Pendant que je mixais le son pour le groupe sur la scène en arrière. Les fixèrent sans brûler la peau, moi je la trouvais tellement belle. Après le dernier morceau, le batteur est parti avec elle. Oh Rosie, tout est blanc, tes yeux m'éclairent. De t'avoir eu un instant, j'étais tellement fier. Tout ce qui